Bonjour à toutes et à tous. Je travaille donc à l'Institut syndical européen, qui est donc l'institut de recherche de la Confédération européenne des syndicats, qui regroupe en fait tous les syndicats au niveau européen, qui est la voix des travailleurs auprès de la Commission européenne, du Parlement, des différentes agences européennes et autres. Alors, je m'excuse, mais mes liens sont en anglais, mais je vais faire la présentation en français, ne vous inquiétez pas. Et donc je vais vous parler de ce fameux règlement REACH qu'on a déjà évoqué plusieurs fois aujourd'hui, mais aussi des législations sur la santé et la sécurité au travail et des liens qu'il y a entre les deux, des synergies ou éventuellement des conflits qui peuvent exister entre ces deux types de législation. Alors, d'abord quelques mots de rappel, d'introduction sur les substances chimiques. De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de différents types, de deux types de législation. Hein. Vraiment, la législation qui concerne la mise sur le marché des substances chimiques, et ça c'est essentiellement REACH et le règlement CLP abordé par Henri Bastos ce matin. Et puis, donc, les règles pour la protection des travailleurs. Et puis, je vais essayer de prendre des exemples où on a des synergies, où on est un peu entre les deux, où on attend de voir, et puis peut-être un cas de conflit, comme ça, on aura un panorama des différentes possibilités. Et donc, je disais quelques mots sur les substances chimiques. En Europe, c'est un secteur très important, 1,3 million travailleurs, plus beaucoup d'autres travailleurs qui dépendent de l'industrie chimique, hein, dans tous les secteurs en aval, l'automobile, le textile, tous ces secteurs qui utilisent les substances chimiques, l'agriculture évidemment. Et donc c'est clair que les produits chimiques, ça contribue à la prospérité économique en Europe, en termes d'emploi, mais également en termes de commerce. Alors le chiffre d'affaires de l'industrie chimique européenne, ça tourne autour de 450 milliards d'euros par an. C'est un chiffre énorme. C'est à peu près la dette de la Grèce et du Portugal mis ensemble. Et ça, c'est chaque année. Donc tout ça pour vous dire que les enjeux sont énormes. On a parlé de... Ça explique une partie du lobbying énorme qu'il y a autour des substances chimiques. Il y a des enjeux financiers qui sont colossaux autour des substances chimiques. Je crois que c'est important de le rappeler. Alors, mais il y a évidemment... l'autre versant, l'autre côté de la médaille qui nous intéresse très très fort, c'est quand on regarde les enquêtes de la Fondation Dublin qui étudie les conditions de vie et de travail en Europe, eh bien il y a beaucoup de travailleurs en Europe qui déclarent utiliser des produits dangereux ou en inhaler pendant leur temps de travail, hein, 16%, 22%. Quand on regarde les maladies professionnelles, et juste celles qui sont reconnues en Europe. Donc ça, c'est évidemment la partie visible de l'iceberg, celles qui sont reconnues. Eh bien, rien que sur cette partie-là, on se rend compte qu'il y en a une sur trois, hein, qui est liée à l'utilisation des substances dangereuses. C'est énorme. Et quand on regarde le nombre de décès par an, donc lié au travail, bien chaque année en Europe, on a 100 000 personnes qui meurent à cause de l'utilisation de substances dangereuses sur les lieux de travail. Donc ça, c'était quelques petits rappels. Alors, moi, je vais vous parler juste de l'interface entre deux types de législation. Il y a d'une part la législation qui définit les règles de mise sur le marché et d'utilisation des substances chimiques. Et là, c'est le règlement CLP que Henri Bastos a évoqué ce matin, mais également le règlement REACH. Et puis, il y a également parmi l'ensemble des législations existantes, des textes qui visent à protéger la santé des travailleurs qui utilisent des substances chimiques. Et là, on a essentiellement deux directives. On a la directive agents chimiques et la directive agents cancérogènes et mutagènes. Alors, ça vaut peut-être la peine de rappeler les différences entre un règlement et une directive. Un règlement, c'est directement applicable dans tous les pays européens. C'est un texte unique qui est traduit dans toutes les langues officielles. Et puis, les directives, on a un texte qui est transposé dans les législations nationales. Et puis, ce n'est pas exactement le texte d'origine qui est appliqué. Donc, chaque État membre a des obligations d'être fidèle aux objectifs de la directive. Mais il y a une transposition au niveau national. Et donc, en France, la directive agent chimique, la directive agent cancérogène, ça a été transformé en décret. Je ne connais pas le nom, je ne me souviens plus du nom en France, mais bon, il y a des décrets qui transposent ces textes-là. Alors, il faut savoir qu'il y a une espèce de recouvrement, il y a des choses qui sont en commun entre ces deux textes, et il y a notamment l'objectif commun d'essayer de prévenir et de réduire les risques. Ça, c'est quelque chose qu'il y a de commun entre les deux types de législation. Alors, ça, Henri Bastos en a parlé ce matin, c'est la classification et l'étiquetage. Ce qui est important de souligner, c'est que ces règles ne s'appliquent qu'aux substances qu'on commercialise. Donc, on va étiqueter, on va classer les substances uniquement si elles sont mises sur le marché pour être vendues, utilisées et autres. Et donc, on ne classe pas, par exemple, les substances dangereuses qui pourraient se former pendant des procédés industriels ou autres, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, les fumées de soudure ou ce genre de choses. Donc, la réglementation européenne ne s'occupe vraiment que des substances qui sont commercialisées. C'est peut-être une des différences avec les classifications du CIRC qui, elles, peuvent traiter de tous les cancérogènes possibles, y compris de la silice cristalline, des fumées diesel, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est les règles? Juste pour refixer les choses, la règle principale, c'est la self-classification. Donc, c'est-à-dire que chaque producteur de substances chimiques doit classer et étiqueter ses substances en fonction de critères qui sont définis dans le règlement. Et pour certaines substances, il y a une classification harmonisée, c'est-à-dire que les experts européens, les États membres se mettent d'accord sur une classification. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur une classification harmonisée, eh bien on est obligé de l'utiliser. Juste pour fixer les idées, comme il y a maintenant, grâce à la mise en place de cette nouvelle agence des substances chimiques en Europe, et il y a eu cette obligation d'informer cette agence qui se trouve à Helsinki des self-classification pour toutes les substances qui sont sur le marché, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près autour de 140 000 substances qui sont classées dangereuses sur le marché européen. Tout volume de production confondu. Ça peut être 1 kilo, ça peut être plus de 10 000 tonnes. Mais il y a 140 000 substances actuellement répertoriées comme dangereuses sur le marché européen. Et là-dedans, dans l'annexe 6 du règlement CLP, il y en a à peu près 4 000 qui ont une classification harmonisée. Alors, le fameux règlement REACH qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue à alimenter les débats, qui a pris plus de 10 ans de négociations ardues et de lobbying au niveau européen avant de voir le jour, en 2007, eh bien ce règlement, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce que c'est REACH? C'est l'acronyme pour Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals. Et il est basé sur quelques principes. Alors, le premier principe, c'est le renversement de la charge de la preuve. Quelque chose de très important, c'est les fabricants et les importateurs de substances chimiques qui sont responsables d'évaluer les risques des substances qu'ils mettent sur le marché. Ça, c'était une petite révolution, parce qu'avant, c'était les États membres qui étaient en charge de cette évaluation des risques. Et ça ne marchait pas. C'est une des raisons pour lesquelles on a réformé le système et qu'on a mis en place REACH. Alors, l'autre principe très important, c'est le principe « no data, no market ». C'est-à-dire que si les fabricants, les importateurs de substances chimiques veulent commercialiser des substances, eh bien, ils doivent fournir des données, ils doivent rassembler des données sur les propriétés toxicologiques, écotoxicologiques, et sur la façon de gérer les risques de ces substances pour assurer, eh bien, une utilisation sûre. Et comment est-ce qu'ils font tout ça ? Eh bien, à travers un dossier d'enregistrement. C'est-à-dire que dans un dossier d'enregistrement, ils vont collecter toutes les données sur leur propre substance et puis envoyer ce dossier à l'agence d'Helsinki, l'agence européenne des substances chimiques. Ça, c'est la partie enregistrement qui débute à partir d'un volume de production de 1 tonne par an. Donc, en dessous, pas d'obligation d'enregistrement. À partir d'une tonne par an, si on veut commercialiser des substances, eh bien, il faut faire un enregistrement. Alors, ça concerne en gros 30 000 substances. On estime qu'il va y avoir 30 000 substances qui vont être enregistrées. Aujourd'hui, on est autour de 12 000, on est à mi-chemin, on est à peu près à 12 000 substances qui ont déjà été enregistrées. Puis, il y a une partie évaluation dont je ne vais pas beaucoup parler. Certaines substances qui ont été enregistrées vont être évaluées, pas toutes, certaines. Et puis, il y a un système d'autorisation où, pour les substances les plus dangereuses, les plus préoccupantes, eh bien, on a mis en place un système qui vise en fait à sortir du marché progressivement les substances les plus dangereuses pour les remplacer par des alternatives plus sûres. Ça, c'est l'objectif de l'autorisation. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a également un système de restriction qui existait déjà avant REACH, où pour certaines substances, quand le risque est inacceptable, eh bien, on restreint soit la mise sur le marché ou l'utilisation. C'est le cas, par exemple, des métaux lourds dans les piles, ou des phtalates dans les jouets, ou encore de l'amiante, hein, qui est pratiquement totalement interdite en Europe, sauf pour deux usines en Europe qui l'utilisent pour fabriquer du chlore et de l'hydrogène, mais on pourra en parler peut-être un autre jour. Il y a un calendrier pour enregistrer ces substances qui court jusqu'en 2018. Hein, et plus le volume de production est important, et bien plus il faut fournir de données dans le dossier d'enregistrement. Ça, c'est des grands principes. Alors, ça, c'était la législation sur la mise sur le marché, le commerce des substances chimiques. Et puis, il y a, à côté de ça, il y a les directives sur la santé et la protection des travailleurs. Brièvement, comment ça fonctionne? Il y a la directive agents chimiques. Et là, l'objectif, c'est de protéger les travailleurs qui sont exposés aux substances chimiques dangereuses au cours de leur travail. Et ici, le champ d'application, eh bien, il ne dépend pas du volume de production, donc quel que soit le volume de la substance utilisée sur le lieu de travail, des règles s'appliquent et des obligations sont définies pour les employeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire les employeurs? Ils doivent d'abord déterminer s'il y a des substances dangereuses utilisées sur le lieu de travail. Si c'est le cas, ils doivent faire une évaluation des risques. Et s'il y a des risques, eh bien, ils doivent mettre en place des mesures de prévention et de protection des travailleurs avec une hiérarchie de ces mesures. En 1, il faut essayer de substituer. Si ce n'est pas possible, il faut essayer de réduire l'exposition, d'abord par des moyens collectifs, et puis en dernier recours par des équipements de protection individuelle. Je crois que vous connaissez bien ces principes-là. Mais cette législation définit également des obligations de suivi de la santé des travailleurs. C'est des législations qui définissent également des valeurs limites d'exposition professionnelle, et ça on va y revenir tout à l'heure. Et il y a aussi des obligations d'information et de formation des travailleurs qui sont extrêmement importantes. Alors, dans la directive agents cancérogènes, qui en fait a été mise en place avant la directive agents chimiques, mais qui a été, mon texte a été refondu quelques années plus tard en 2004. Ici, là, c'est très similaire à la directive agents chimiques. Donc l'idée, c'est de protéger les travailleurs contre les risques des cancérogènes et des mutagènes. De catégorie 1A et 1B, donc c'est ceux qui sont cancérogènes avérés pour l'homme, également pour l'animal. Et de nouveau, c'est les mêmes obligations hein, pour l'employeur. Ils doivent essayer de substituer, d'éliminer ou de substituer ces substances par des substances qui sont moins dangereuses. Si la substitution n'est pas possible, ils doivent travailler en système clos. Et ils doivent également satisfaire aux valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont définies pour des cancérogènes et des mutagènes et qui sont au niveau européen des valeurs limites obligatoires. Mais il y en a très très peu au niveau européen. Hein. Pour l'instant, on a que 5 substances qui ont une valeur limite d'exposition obligatoire. C'est les 3 qui sont cités ici, le benzène, le chlorure de vinyle monomère, les poussières de bois, l'amiante et le chlore. En gros, c'est les 5 substances pour lesquelles il existe des valeurs limites obligatoires au niveau européen. Il existe également des valeurs limites qu'on appelle indicatives, qui sont définies donc dans la directive agents de la directive agents chimiques. On en a que pour l'instant 121. Les valeurs limites, c'est très compliqué. On essaiera de refaire le point tout à l'heure. Alors, la question qui se pose, c'est voilà, on a donc d'un côté les règles pour la mise sur le marché, on a de l'autre côté les règles pour la protection des travailleurs. L'objectif de REACH, qu'est-ce que c'est? Et c'est là qu'il y a peut-être des tensions. C'est que l'objectif REACH s'occupe de quoi? S'occupe de protéger non seulement la santé des travailleurs, mais aussi des consommateurs et de l'environnement. D'accord? Ça couvre tous ces aspects-là. Alors que donc les règles de protection des travailleurs sont vraiment centrées sur les travailleurs. Un autre objectif de REACH, également très important, c'est d'essayer de booster la compétitivité des industries chimiques en Europe. Et voilà, et c'est toujours parfois un peu compliqué d'arriver à concilier les deux, mais en tout cas, c'est l'objectif de ce règlement. Alors, depuis qu'on a le règlement REACH, et étant donné qu'il y a des recouvrements entre REACH et les règles de protection des travailleurs, notamment au niveau de l'évaluation des risques, parce qu'elle doit être faite sous REACH, mais également dans les règles de protection des travailleurs, et la substitution qui intervient dans les deux, eh bien, on a des employeurs qui nous disent « Ah, ben maintenant qu'on a REACH, eh bien, on n'a plus besoin des règles de protection des travailleurs, puisque REACH va tout régler, et que donc, inutile d'avoir des doublons et de refaire les choses deux fois. » Alors, heureusement, ceux qui ont négocié REACH ont eu la bonne idée de mettre dans l'article 4.2 la phrase qu'il fallait, qui disait que REACH s'applique sans préjudice des autres directives existantes. notamment des directives sur la santé au travail, ce qui veut dire que, en fait, les entreprises sont obligées de respecter à la fois les règles de REACH et à la fois les règles de protection des travailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des synergies, des conflits entre ces deux types de législation? Eh bien, on va commencer par les synergies. Il y a très clairement des synergies dans l'évaluation des risques. Pourquoi? Eh bien, parce que les évaluations des risques qui doivent être faites dans ces deux types de législation sont complémentaires. Dans la directive agents chimiques, le champ d'application concerne toutes les substances dangereuses utilisées sur le lieu de travail, quel que soit leur volume de production. Alors que dans REACH, l'évaluation des risques ne commence qu'au-delà de 10 tonnes par an. L'enregistrement à partir d'une tonne, mais l'évaluation des risques proprement dite à partir de 10 tonnes par an. Là, les règles de protection des travailleurs incluent également les substances qui sont générées lors des procédés. Par exemple, les fumées de soudure, les émissions diesel, ce genre de choses, l'acide cristalline. Alors que dans l'évaluation des risques dans REACH, eh bien ça on n'en tient pas compte. Ça ne concerne vraiment que les substances qui sont commercialisées. Dans la directive agents chimiques, l'évaluation des risques est, on va dire, globale. On doit théoriquement également tenir compte de la multi-exposition, des autres dangers qui ne sont pas chimiques, alors que dans REACH, c'est vraiment centré autour de la substance. Alors, on a des obligations qui sont toujours sur les employeurs. Dans REACH, comment est-ce qu'on appelle les employeurs? On les appelle les fabricants, on les appelle les importateurs ou les downstream users, donc les utilisateurs en aval. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas couvertes dans l'une et dans l'autre, mais c'est assez complémentaire. Et il y a d'autres choses que je ne vais pas détailler, mais qui sont importantes, et je vais peut-être juste me concentrer sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, où elles reviennent hein, dans les deux types de législation. Alors, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se passer de la législation sur la protection des travailleurs, c'est qu'il y a des choses qui sont définies, qui n'existent pas dans REACH et qui sont extrêmement importantes. La surveillance de la santé des travailleurs, la formation des travailleurs, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui n'existent pas évidemment dans REACH. Alors, sur les valeurs limites, parce que les valeurs limites, on peut en parler pendant longtemps, c'est un sujet assez complexe, mais c'est quelque chose qui a de commun entre REACH et la législation sur la protection des travailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que des valeurs limites? Eh bien, ce sont des valeurs d'exposition, des concentrations de substances dans l'air, en dessous desquelles, eh bien, il ne devrait pas y avoir de problème de santé pour les travailleurs qui y sont exposés, et ce, s'ils y sont exposés 8 heures par jour, pendant 40 ans. Et en tout cas, c'est comme ça que sont définis au niveau européen et dans la directive agents chimiques ce qu'on appelle les valeurs limites indicatives, qui sont des valeurs sanitaires, health-based en anglais. On cherche vraiment, c'est vraiment un travail scientifique, on essaie de voir quelle est la concentration à laquelle on peut être exposé sans problème néfaste pour la santé. Alors, dans REACH, on a également quelque chose qui est similaire et qui s'appelle les DNEL, Derived No Effect Level. Et c'est le même principe. C'est la concentration de la substance auquel les travailleurs ne devraient pas être exposés. Alors, où est-ce qu'on peut avoir des tensions ou des problèmes entre les deux? C'est que, en ce qui concerne les valeurs limites dans la protection, dans la législation sur la protection des travailleurs, elles sont dérivées, calculées par des comités scientifiques. Ce sont des experts européens qui se réunissent, qui analysent les résultats de la littérature et puis qui proposent la valeur limite sanitaire. Alors que dans REACH, eh bien, c'est les industriels eux-mêmes qui doivent calculer cette valeur limite. Donc là, vous voyez que c'est pas tout à fait la même approche. Au niveau européen, les partenaires sociaux sont impliqués. On réunit les employeurs, les syndicats, les États membres, et on adopte au niveau européen ces valeurs, et puis on les transpose dans les législations nationales. Alors que dans REACH, eh bien, ces DNEL, elles font partie du dossier d'enregistrement, et on va les retrouver sur les fiches de données de sécurité. Et elles vont servir à quoi, ces DNEL? Eh bien, elles vont servir à définir quelles sont les mesures de gestion des risques pour s'assurer que la substance est contrôlée, que les risques sont contrôlés de façon adéquate. Donc on voit que c'est pas tout à fait pareil. Alors le gros problème, les grosses tensions qui peuvent éventuellement apparaître, c'est que il y a des substances au niveau, pour lesquelles il existe déjà des valeurs limites européennes. Pour l'instant, on en a 121. Et puis, pour ces mêmes substances, les industriels vont définir leurs propres valeurs limites. Et il se pourrait que ces valeurs, qui normalement sont toutes des valeurs sanitaires, eh bien, ne correspondent pas. Là, il peut y avoir des grosses discussions, et c'est d'ailleurs l'objet de beaucoup de réunions, de séminaires, de conférences sur que faire si la même substance, eh bien, a une valeur limite européenne à tel niveau, et si au niveau de l'entreprise qui la produit, eh bien, on a défini une valeur différente. Donc là, il peut y avoir des tensions, d'autant plus qu'à terme, on va évidemment avoir des DNEL pour beaucoup plus de substances que pour les valeurs limites qui existent au niveau européen. 120 à peu près pour les substances pour lesquelles ça existe au niveau européen. Si on rajoute des valeurs limites nationales, on rajoute peut-être 600 substances. Alors que actuellement, on a des DNEL pour 10 000 substances. Et donc ça pose le problème de la privatisation de ces valeurs limites. Alors on commence, et ça c'est une étude qui est sortie il y a une semaine, donc c'est tout frais, où on essaye de comparer les valeurs limites qui existent au niveau européen, c'est donc la troisième colonne, avec les valeurs limites qui ont été calculées par les producteurs de ces substances. Et on remarque qu'on a tous les cas possibles. On a certaines substances, et ici j'ai donné trois exemples chaque fois dans chacune des catégories, pour lesquelles la valeur définie par les industriels est plus protectrice que la valeur définie au niveau européen. Oui, ça arrive. Il y a des valeurs pour lesquelles, des substances pour lesquelles ces valeurs sont les mêmes, il n'y a pas de différence. Et puis on a aussi certaines substances pour lesquelles la valeur définie par les experts européens est bien plus protectrice que celle calculée par les industriels qui fabriquent ces substances. Alors ces chiffres vont probablement encore évoluer au cours des années à venir, mais en gros, on peut dire qu'il y a quand même une certaine convergence qui se dessine, où de plus en plus les industriels se basent, quand elles existent, sur les valeurs limites définies par les comités scientifiques, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Mais alors, ce qui est très intéressant, et c'est là qu'on peut avoir des synergies, c'est que dans le cas où ces valeurs divergent, eh bien, on peut essayer d'essayer de comprendre pourquoi, essayer d'agir pour essayer d'avoir les valeurs les plus protectrices. Et quelles sont les raisons pour lesquelles ces valeurs divergent? Eh bien, dans le cas où la valeur proposée par les industriels est plus protectrice que la valeur définie par les experts européens, eh bien, c'est peut-être tout simplement parce qu'il existe de nouvelles données. Vous savez, les valeurs limites, en fait, devraient être régulièrement révisées avec la disponibilité de nouvelles données scientifiques. Et donc, comme les enregistrements sont récents, qu'ils sont obligés de tenir compte des données les plus récentes, il se pourrait qu'effectivement les industriels proposent des valeurs qui soient plus protectrices que celles qui ont été définies il y a quelques années par les experts européens ou nationaux. Et puis, il y a aussi des cas où, malgré les données les plus récentes, les valeurs limites proposées par les industriels sont moins bien protectrices que celles définies il y a quelques années par les experts nationaux ou européens. Et dans ce cas-là, ça vaut la peine évidemment d'aller voir le dossier d'enregistrement et d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces différences. Alors, il y a également dans les valeurs limites, vous savez que c'est basé essentiellement sur de l'expérimentation animale et qu'il y a ce qu'on appelle les fameux facteurs d'incertitude, hein, où on essaye de transposer ce qui a été vu chez l'animal à l'homme. Et donc on a ces fameux facteurs d'incertitude qui peuvent différer dans les systèmes de définition des valeurs limites. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec REACH, c'est qu'on peut mettre en évidence des différences entre ces types de valeurs limites. Et puisque l'idée de REACH, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de rattraper tout le retard qu'on a sur les connaissances des propriétés des substances chimiques qui nous entourent, donc de générer toutes ces données qui nous manquaient jusqu'à présent. Et donc ça peut servir à améliorer les valeurs limites d'exposition professionnelle. Alors, l'autre exemple où il peut éventuellement y avoir des tensions et des conflits, c'est sur le chapitre autorisation. Alors, l'autorisation dans REACH, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est vraiment, si quelqu'un lit le texte législatif, 1000 pages au journal officiel, sans compter les guidelines qui en font plusieurs milliers d'autres, c'est extrêmement compliqué. Mais comment ça fonctionne de façon schématique? En plus de l'enregistrement, pour les substances dites extrêmement préoccupantes, c'est-à-dire les cancérogènes, les mutagènes, les reprotoxes, les PBT, les VPVB, donc les PBT c'est les persistants bioaccumulatifs toxiques, VPVB, Very Persistent, Very Bioaccumulative, et puis une catégorie qu'on appelle les Equivalent Concern. Et bien pour ces substances-là, en plus de l'enregistrement, si les fabricants importateur ou utilisateur de, cette puce, de ces substances veulent continuer à les utiliser, ils doivent obtenir une autorisation qui est délivrée par la Commission européenne. Pourquoi est-ce que ce système a été mis en place ? Eh bien, c'est un système qui a été mis en place pour pousser les fabricants à abandonner l'utilisation de ces substances. Pourquoi ? Parce que ce système étant horriblement compliqué, cher, parce que la préparation du dossier coûte très cher, et incertain, l'idée c'est de dire, ben, plutôt que de se lancer dans cette bataille-là, essayons directement de substituer le cancérogène, le mutagène, par une substance plus sûre. Et voilà, donc c'est un peu l'idée du système d'autorisation. Comment ça fonctionne ? Il y a d'abord une liste candidate, qui est l'antichambre, et puis une fois que les substances sont dans la liste candidate, elles peuvent éventuellement aller dans la liste d'autorisation, et une fois qu'elles sont sur la liste d'autorisation, eh bien, on fixe une date limite, et les industriels sont obligés d'obtenir une autorisation avant la date limite s'ils veulent continuer à utiliser la substance. Alors, c'est un système qui existe maintenant depuis quelques années à peine, qui est beaucoup critiqué parce qu'il est, du point de vue des industriels, trop compliqué, trop cher, qu'il peut faire perdre des emplois, délocaliser, et ainsi de suite. Ça, c'est le discours des industriels. Du point de vue des syndicats, pas tous les plus progressistes, et des ONG environnementales, ce système est beaucoup trop lent. On n'a que, pour l'instant, 161 substances sur la liste candidate et 31 seulement sur la liste des autorisations. J'ai mis les liens, vous pouvez avoir les listes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne pour obtenir l'autorisation ? Très brièvement, il y a deux voies. Il y a deux façons de l'obtenir. Soit on montre que le contrôle est adéquat. Ça veut dire quoi, le contrôle adéquat ? Eh bien, ça veut dire que l'exposition avec l'utilisation de la substance est inférieure à la DNEL, cette fameuse valeur limite sanitaire. Si on peut montrer qu'on utilise la substance et que l'exposition reste en dessous de ce seuil, eh bien, on peut obtenir une autorisation. Ça, c'est une première voie. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est que si jamais on n'arrive pas à montrer que le contrôle est adéquat, eh bien alors, il y a ce qu'on appelle la route socio-économique, et alors il y a deux conditions. Il faut que les bénéfices socio-économiques de l'utilisation de la substance soient plus importants que les risques, ça c'est la première condition à remplir, et la deuxième, c'est qu'il n'y ait pas d'alternative. Si on arrive à remplir ces deux conditions-là, alors que la première route n'a pas fonctionné, eh bien on peut avoir, on peut recevoir son autorisation. C'est la route socio-économique. Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, eh bien l'autorisation sera refusée. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que dans la première route, on peut obtenir une autorisation, même s'il y a des alternatives plus sûres. Si on montre qu'on peut maîtriser les risques, eh bien on aura l'autorisation. Donc si on travaille avec un cancérogène et qu'on peut montrer que l'exposition des travailleurs sera en dessous de cette valeur seuil, à tout moment, eh bien on dit que voilà, vous travaillez proprement, on vous donne l'autorisation. On tiendra compte de l'existence d'alternatives que dans la deuxième voie. Et donc ce n'est que si on arrive à montrer qu'il n'y a pas d'alternative qu'on pourra éventuellement obtenir une autorisation. Alors, et ça, c'est ici qu'on a un clair conflit avec la directive cancérogène et mutagène. Parce que dans la législation sur la protection des travailleurs, lorsqu'il existe une alternative au cancérogène ou au mutagène qui est techniquement faisable, on est obligé de substituer. C'est ce que dit le texte. Et c'est valable partout en Europe. Et donc, on peut, à l'avenir, éventuellement, avoir des autorisations qui vont être accordées dans REACH, alors qu'il existe des alternatives plus sûres. Et ça, ça va entrer en conflit avec les règles de protection des travailleurs, où on dit que pour un cancérogène ou un mutagène, on a l'obligation de substituer si c'est techniquement faisable, et quel que soit le coût. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'évra plus dans la législation à venir, où tout se fait maintenant par impact assessment et on analyse les coûts et les bénéfices. Voilà, la législation des travailleurs étant telle, voilà. Et là, il y a très clairement un conflit. Alors, j'ai rapidement dressé parmi les substances qui sont à l'autorisation aujourd'hui, il y en a certaines pour lesquelles les comités scientifiques de l'agence Helsinki ont déjà remis des opinions. Jusqu'ici, elles sont toutes favorables. Aucune autorisation refusée. Et on n'a pas encore un cas de conflit pour l'instant. C'est-à-dire que soit les substances qui étaient à l'autorisation, comme par exemple les deux premiers qui sont des phtalates, étaient des reprotoxiques, et les reprotoxiques, malheureusement, ne sont pas dans le champ d'application de la directive cancérogène et mutagène, qui ne couvre que les cancérogènes et les mutagènes. Donc, ça, il n'y a pas de conflit possible. Et puis, on a quand même d'autres substances qui sont des cancérogènes, mais pour lesquelles le fabricant, l'utilisateur, n'a pas démontré le contrôle adéquat. Et donc, il est passé par l'autre route, la route socio-économique, et dans cette route-là, ils se sont débrouillés pour montrer qu'il n'y avait pas d'alternative à leur substance. Et donc c'est comme ça qu'ils ont obtenu une opinion favorable pour l'autorisation. Donc, on surveille, on attend de voir le premier cas de conflit entre les deux, et probablement que les organisations syndicales essaieront de défendre les acquis de la législation sur la protection des travailleurs pour pousser la substitution. Alors, pour ne pas être trop long, quelques mots de conclusion. Donc, REACH et la législation sur la protection des travailleurs ont pour objectif commun de protéger les travailleurs. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. Même si REACH s'occupe également de l'environnement et des consommateurs. J'ai envie de dire que on a plutôt des synergies entre ces deux types de législation, plutôt que des conflits. Pourquoi ? Eh bien, parce que REACH, en fait, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à acquérir, récolter des tas de données sur les substances chimiques, sur leurs propriétés, sur leurs risques, sur la façon de les maîtriser, qu'on n'a pas encore aujourd'hui, et qui vont permettre à la législation sur la protection des travailleurs d'être plus efficace, parce que pour mettre en place des mesures de gestion des risques, on a besoin de toutes ces informations. Et donc on espère qu'avec REACH, et c'est une des raisons pour lesquelles les syndicats et les ONG environnementales étaient très en faveur de ce nouveau système, qui a été combattu bec et ongles par les industriels, qui devait donner les informations, les études, payer les tests, et ainsi de suite. Et bien tout simplement parce que grâce à ces données, eh bien, on va améliorer la connaissance sur les propriétés des substances chimiques et améliorer l'évaluation des risques. Et donc on devrait avoir à terme des fiches de données de sécurité qui sont plus informatives, qui contiennent plus d'informations. Alors certains diront qu'elles deviennent plus compliquées également à interpréter, à lire. C'est vrai. Mais il vaut mieux avoir des informations plutôt que de ne pas en avoir du tout. On a un système d'autorisation qui, normalement, sauf quelques rares cas, devrait aider à la substitution, puisqu'il a été conçu dans cet esprit-là, de rendre plus difficile l'utilisation des substances extrêmement préoccupantes et forcer leurs fabricants à les remplacer par des alternatives plus sûres, avec l'objectif de compétitivité en disant « c'est le pari que fait l'Europe, on va essayer d'innover et de prendre de l'avance sur les autres régions du monde en mettant sur le marché des substances plus propres pour la santé humaine et pour l'environnement, parce que c'est il y a les consommateurs qui poussent un peu les producteurs dans cette direction-là, et puis c'est probablement également le marché de demain avec tous les coûts sanitaires qui sont de plus en plus évidents et qui sont liés à l'utilisation des substances extrêmement préoccupantes. Donc l'autorisation d'Enrich, très certainement, va nous aider à substituer les substances les plus dangereuses. Alors, il y a quelque chose qui est pour moi extrêmement important, c'est que toutes ces législations ne peuvent fonctionner que si on les comprend et si on utilise toutes leurs possibilités. Et donc c'est la raison pour laquelle je crois que la formation des travailleurs sur les lieux de travail qui utilisent des substances chimiques, mais également des employeurs qui doivent comprendre les systèmes, sont extrêmement importantes. Et ce n'est que si on comprend ces systèmes législatifs et toutes leurs possibilités, eh bien, qu'on arrivera vraiment à créer des synergies entre ces différentes législations. Et je peux vous dire qu'on n'y est pas encore, parce que pour beaucoup d'entreprises, notamment des petites et des moyennes, tout ça c'est du chinois, c'est du charabia. Et donc il faudra faire un énorme effort pédagogique pour essayer de récolter les fruits de ces législations. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Ah. Voilà. Ouais. Ouais, Nathalie. Moi, vous avez montré les synergies. Il y a aussi d'autres législations européennes avec lesquelles interagissent REACH et qui ont des effets qui ne sont pas du tout synergiques avec pour la question des gens qui travaillent. Et par exemple, l'interaction avec le paquet pesticide, ça crée plutôt un vide, puisque si j'ai bien compris, je ne maîtrise pas tout, mais si j'ai bien compris, les pesticides bénéficiant de cette réglementation sont exclus de REACH, mais les évaluations qui sont faites dans le cadre sont exclus de REACH. Mais les évaluations qui sont faites pour la mise de l'autorisation de mise sur le marché des pesticides ne prennent pas en compte les gens qui travaillent dans les industries chimiques. Donc ces gens-là, par exemple, ne seront souvent être... si j'ai bien compris, il y a des formes comme ça d'exclusion, de vide, qui seront dans toutes les gens... Pour les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, enfin tout un ensemble de législations, il y aura là c'est plutôt, si j'ai bien compris, il y a des formes de... Alors ce qui est vrai, c'est que REACH concerne les substances chimiques, ouais, qui sont sur le marché, à l'exclusion de celles pour lesquelles il existe déjà une législation spécifique. Ouais. Et ça, c'est le cas pour les pesticides, c'est le cas pour les biocides, c'est le cas pour les cosmétiques, ouais, c'est le cas pour les médicaments, qui sortent du champ d'application de REACH, parce qu'il existe déjà des règles particulières pour leur utilisation. Il n'empêche que REACH couvre toujours beaucoup d'autres substances, donc toutes les autres. Oui, bien, sûr. Donc, okay. Bien sûr, mais j'avais l'impression... Parce qu'il y a des formes, oui, il y a des formes de vie de... Et il y a assez d'activités en France. Non, on est soumis à REACH jusqu'à ce que le médicament soit sous sa forme finale commercialisée dans le packaging du client, du patient. Voilà, donc ça veut dire que tout le processus avant... Parce qu'il y en a avant, eu, pour les pesticides, on avait des discours, voilà, sur le fait que... En fait, tout le processus jusqu'à ce qu'il arrive à cette forme conditionnée finale, c'est un produit chimique comme un autre. Et on est tout à fait soumis à REACH pour énormément de processus. Ouais. Mais il n'empêche qu'il y a des zones grises, hein, ouais, très clairement. Oui, parce que moi, je très clairement, il y a des zones grises, qui ne sont pas tout à fait claires, qui sont sujettes à beaucoup d'interprétations, notamment REACH et les déchets. Mais enfin, les déchets n'étant pas toujours destinés à être utilisés. Enfin, et juste pour dire, c'est un peu la position pour l'industrie pharma, parce que c'est le seul truc que je connaisse, est en phase avec l'environnement, l'approche environnementale. De la même façon que jusqu'à ce qu'on arrive au conditionnement final tel qu'il est présenté au patient, on considère qu'on est dans le produit chimique. Oui. Mais par exemple, la classification, l'étiquetage des pesticides, c'est le règlement CLP. Quand on a des substances qui sont cancérogènes, mutagènes, c'est d'office exclu comme utilisation en substance active. Le législateur a essayé de combler les zones, mais il en reste. Dans le paquet pesticides, mais théoriquement, sauf qu'il y a plein de manières de contourner ça. On ne doit pas utiliser une substance si elle présente le moindre danger pour l'opérateur. Mais il y a des formes de calcul. Il y a un abattement systématique de 90% de la Noël. Et donc de 90% si on porte des vêtements de protection, sans préciser ni lesquels, etc. Donc ça fait baisser de manière radicale. Donc ça permet à tout un ensemble de substances qui ne passeraient pas, simplement en mettant c'est juste, par exemple, donc il y a des phénomènes. Mais théoriquement, c'est beaucoup plus protecteur que REACH, puisqu'on ne doit absolument pas autoriser toute substance qui dépasserait. Oui. Et en même temps, il y a également les fameuses exemptions. Si c'est vrai que des cancérogènes et des mutagènes ne peuvent pas être utilisés comme pesticides. Le texte dit si on ne peut pas contrôler le problème autrement, eh bien c'est toléré pendant un certain nombre de mois. Et puis on se rend compte que cette période qui est normalement limitée continue à... Voilà. Donc il y a beaucoup de... Les exemptions sont très importantes. Oui. Alors, je parlais des valeurs limites il y a quelques réunions de là. Moi, je reviendrai sur REACH. Bon, j'ai lutté pour REACH, il n'y a pas de problème, il y a des apports positifs dans REACH. Avec plus de données, je suis d'accord. Mais je voudrais quand même relativiser un peu REACH. La question de la preuve. Il est tout à fait normal que le patron fasse sa preuve que son produit n'est pas dangereux pour la santé des travailleurs et pour l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que le problème qui se pose derrière, c'est que le patron qui fabrique ces produits chimiques, c'est peut-être à sa charge, mais c'est lui qui se charge des expertises pour démontrer l'innocuité de son produit. Mais moi, je me pose la question de l'expertise. Est-ce que c'est une expertise indépendante? Et comme je ne fais pas confiance, et loin de là, au patron, ça me pose un problème. Ensuite, sur la question de l'agence des produits chimiques, comme tu disais, l'ECA ne prend que quelques dossiers pour vérifier. Et que donc, il y a un très grand nombre de produits pour lesquels elles ne sont pas vérifiées. Donc les patrons peuvent tout dire. Surtout que de plus, ils se cachent derrière le secret de fabrication. Et tu sais très bien, dans le groupe produits chimiques européens, de la communauté consultative, les employeurs qui sont le représentant de la chimie française par le docteur Lévy et le représentant de la chimie allemande, les deux plus fortes industries chimiques en Europe, utilisent ce secret de fabrication pour cacher les choses. Et ça donne, au niveau des fiches de données de sécurité, moi, les fiches de données de sécurité versus REACH que j'ai reçues en tant que médecin du travail ne satisfont pas parce qu'ils ne parlent que des produits qui sont dits dangereux. Mais les autres produits qui rentrent dans la composition, on n'en parle pas. Donc comment veux-tu fonder un avis sur des choses qui sont cachées? Ouais. Alors, attends, pour finir, les valeurs limites, pour moi, elles sont peut-être à base scientifique, mais ce sont des constructions sociales. Ce qui est très important. Et ce n'est pas parce qu'on est en dessous des valeurs limites qu'il n'y a rien qui peut se produire sur la santé des travailleurs. Absolument. Surtout que c'est épidémiologique et que moi, en tant que médecin du travail, comme le dit si bien Lacaré, on a devant nous des individus et pas une épidémiologie. On ne peut pas certifier un individu que s'il est exposé à ce produit en dessous des valeurs limites, il n'aura rien. Hein? Surtout que, par exemple, sur les produits chimiques, les cancérigènes à seuil, je veux bien qu'il y ait des seuils, mais par exemple, pour prendre la silice cristalline, pour faire un cancer professionnel pour les patrons, il faut d'abord faire une silicose pour faire un cancer du poumon. Or, dans ma vie de jeunesse, j'ai vécu toute ma jeunesse dans les mines de houillères du Nord-Pas-de-Calais à Lens, et mon père était médecin du travail, je voyais des mineurs crever de silicose, mais pas de cancer. Et maintenant que les expositions sont beaucoup moins, c'est là où on voit les cancers se produire, comme pour l'amiante. Donc ça pose problème. Et pour le formaldéhyde, ils disent, oui, pour faire un cancer dû au formaldéhyde, il faut une inflammation. Et qu'est-ce que ça veut dire, inflammation? Quel est le seuil d'inflammation? Alors est-ce qu'il faut faire une cratographie de l'état inflammatoire du travailleur pour pouvoir exposer, entre guillemets? Ouais. Voilà. Donc, sera des pistes qu'on pourrait avoir dans le cadre d'une révision de Rich pour améliorer Rich, mais avec un rapport de force autre. Alors, Gilles, il y a beaucoup de choses dans ton intervention. D'abord, sur les valeurs limites, c'est clair que toute la prévention ne peut pas se baser sur les valeurs limites. C'est juste un des outils qui est à la disposition des employeurs pour faire une évaluation des risques et prendre des mesures. Mais il y a d'autres choses qui sont très importantes et qui sont définies dans la législation sur la protection des travailleurs. C'est toute la hiérarchie des mesures qui est extrêmement importante. Il faut d'abord essayer de substituer et de réduire l'exposition. Ça, il faut le redire. Alors, sur l'expertise, il y a une partie dont on n'a pas parlé, pas beaucoup. C'est le chapitre évaluation de REACH, où effectivement, toutes les substances, donc tous ces dossiers qui arrivent à Helsinki, ne sont pas systématiquement ouverts, vérifiés, contrôlés et autres. Mais certains le sont par donc les experts et les fonctionnaires de l'agence à Helsinki. Il y a quand même 600 personnes qui travaillent là-bas, dont beaucoup regardent ce qu'il y a dans les dossiers. Et de façon formelle. Plus ou moins. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, quand les dossiers sont mauvais, eh bien, ils sont en droit de réclamer des informations supplémentaires aux industriels. Et donc, ils le font. Ils le font absolument, même si c'est fait sur un nombre limité de dossiers. Et ça, c'est l'évaluation des dossiers, parce qu'il y a également l'évaluation des substances, qu'a évoqué Henri Bastos ce matin, où là, quand on a une suspicion de risque pour une substance, l'État membre, là, c'est l'État membre, c'est pas les fonctionnaires de l'agence Helsinki, l'État membre peut prendre à sa charge l'évaluation complète de la substance et aller chez son producteur et demander tous les détails ces tests, toutes les données et autres, y compris les données d'exposition, et pour pouvoir... Et ils le font aussi, malheureusement, pour un nombre restreint de substances. Alors, c'est vrai que les fiches de données de sécurité peuvent être compliquées. C'est vrai que les valeurs limites et tout le système REACH, c'est un système qui s'occupe des substances, mais substance par substance, et qu'on n'a pas encore résolu le problème des multi-expositions, évidemment, parce que sur un lieu de travail, on n'est pas juste exposé à une substance, mais la plupart du temps, et l'enquête Summer en France le montre très très bien, où on est, où les travailleurs sont exposés à plusieurs cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques en même temps. Mais il faut bien commencer quelque part. On a en fait inventé, mis sur pied REACH parce qu'on avait une méconnaissance abyssale des propriétés des substances qui étaient sur le marché. Donc plus de 100 000 substances sur le marché européen, et on s'est rendu compte qu'on ne connaissait vraiment bien qu'une toute petite fraction de celles-ci. Et donc le système REACH, à quoi il sert? Il sert à combler vraiment ce trou dans nos connaissances. Et il faut bien commencer quelque part. Donc, et alors c'est clair, on espère qu'à l'avenir, REACH sera amendé et amélioré, à moins qu'il ne soit au contraire détricoté dû au lobbying intensif des industriels, pour qui tout ça a un coût, évidemment. Peut-être une série de questions pour qu'on ait... Ouais. C'est pas une question, c'est une remarque. Ouais. C'est sur les limites de REACH et sur deux limites. Donc une limite sur les contrôles de sites. Parce qu'en fait, quand vous disiez que c'est compliqué pour les industriels de savoir remplir les fiches et tout, en fait, c'est très compliqué aussi pour les DRAC de contrôler, de connaître bien le règlement de REACH et de bien contrôler les sites. Et donc ça crée des disparités en fonction de qui vient contrôler et qui est contrôlé, s'il y a de la compétence chez l'un ou chez l'autre. Et après, l'autre limite, c'est une limite géographique, c'est-à-dire que tous les États membres n'ont pas la même politique de contrôle aussi. Donc il y a des États qui disent, bah, chez nous on contrôle pas, venez chez nous. On n'a pas les moyens de contrôler, et donc les industriels le savent assez rapidement et délocalisent aussi leurs industries en France. Ouais. Il y a une autre. Moi j'étais frappé pour exposer sur la convergence en termes de philosophie de réglementation avec la directive machine. REACH et la directive machine, moins aboutie, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des directives qui en fait sont plus intéressantes que les réglementations nationales antérieures. Et voilà, je suis confronté à ça, je trouve plutôt qu'elles sont mieux foutues que ce qui existait avant. D'abord parce que ça oblige les constructeurs, les fabricants à fournir des données. Ils sont quelque part considérés comme potentiellement responsables, juridiquement responsables des effets sur la santé des produits qu'ils mettent sur le marché. Et par rapport à ce que tu disais l'instant sur le fait que c'est le problème de l'expertise, c'est que c'est eux-mêmes qui vont les donner, mais je trouve que c'est un progrès de faire sortir le bout du bois, c'est-à-dire les obliger à écrire des justifications de ce qu'ils font. Ça permet de donner un appui à une controverse. Jusque-là, la stratégie des fabricants ou des constructeurs de machines, c'est de rien dire. Et on n'a pas de point d'appui pour commencer à ouvrir une controverse. Dès lors qu'ils produisent des chiffres, alors évidemment, ce que Freddy m'a dit à l'actrice ce matin pour la confidentialité, donc ça c'est un vrai problème, donc il y a une bagarre sur l'ouverture des sources et des données pour permettre une expertise citoyenne, une expertise salariale, mais c'est on a quand même un point d'appui, je trouve, qui est super intéressant par rapport aux situations antérieures où on avait le silence radio complet. Deux remarques ou questions? Oui. Vous avez pas mal parlé. Sur la formation, enfin, vous insistiez sur la formation des travailleurs, sur la formation des employeurs autour de REACH, que c'était insuffisant. Tout à fait d'accord avec ça, et je voulais savoir qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui avait déjà été mis en place sur ce sujet. Oui, ok. Alors. Juste une remarque. Oui, et puis comme ça, on prend toutes les questions, remarques. Oui, aussi. Okay. Oui. Je voulais juste dire que le fait que ce soit l'industriel qui produise l'information, je pense que c'est une bonne chose au départ. J'ai commencé à travailler au moment où on a commencé à appliquer la première directive européenne Seveso, et l'idée était de demander à l'employeur de se rendre compte des risques qu'il présentait pour l'environnement. Donc, tout à coup, il se mettait à travailler sur les impacts de son activité. Et REACH, finalement, a la même démarche, c'est-à-dire qu'il demande à l'employeur tout à coup de se pencher un petit peu sur ce qu'il fait par rapport à ses impacts à l'extérieur, ou le client, enfin le consommateur, l'environnement comme le salarié. Et oui, c'est un point d'ancrage pour pouvoir discuter, mais je pense que si on ne demandait pas à l'employeur ou à l'industriel de faire ce travail-là, il se sentirait moins concerné par le contenu. C'est pas ce que je dis. Nathalie. Juste une remarque, c'est que sur les pesticides, les autorisations mises sur le marché, elles sont très anciennes, avec des obligations de donner des toxicités. suivant les pays, ça commence. Et puis avant, il y a même eu des choses, enfin, vraiment, disons, au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle, alors qu'il y avait des choses avant. Et avec des obligations pour les industriels de prouver les types de toxicité, etc. etc. Alors, ce qu'on a demandé comme preuve n'a cessé d'augmenter, de se complexifier, etc. etc. Ça ne veut pas dire que beaucoup d'informations aient vraiment été produites par les industriels eux-mêmes. Il y a toujours cette idée qu'ils retiennent des informations, mais je ne suis pas sûre qu'ils en aient beaucoup produites parce que c'est développé suivant des logiques de modélisation de plus en plus. Et les modélisations, ce n'est pas des données terrain. Et ces modélisations sur des données terrain, d'exposition, toxicité, tout ce qu'on veut de toxicité, finalement, ce qui les fonde sont très petites, c'est très petit. Et on arrive à faire des extrapolations qui, quand on a du mal à comprendre. Et finalement, et puis il y a tout un ensemble de processus qui sont mis en place. C'est très complexe, ces dossiers d'homologation, ça remplit une salle sans problème. Sauf que ce qu'ils font en termes de travaux scientifiques est finalement très petit. C'est suivant des procédures, des modélisations, tout un ensemble de choses. Et au final, il y a très peu de données qui sont produites par des industriels, concrètement. Donc, et puis ce que je comprends, donc il faut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites, mais ça vient quand même, ce qu'on connaît sur la toxicité des pesticides vient en dehors des industries. Et quand les industries ont fait des travaux, les grands procès américains l'ont montré, ils ont souvent, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas divulgués. Par exemple, le DPCB qui est une catastrophe sanitaire énorme en Amérique latine, finalement, ils ont exposé les problèmes, sauf qu'ils les ont minimisés, ils ont fait tout un ensemble de choses. Ils ont rajouté du doute. Voilà, ils ont minimisé, ils ont, etc., tout un ensemble de choses. Et c'est quand même, alors que les informations qui existaient dans les années 60 n'auraient pas dû donner lieu à l'autorisation. C'est une catastrophe sanitaire énorme. Donc c'est pour nuancer le fait que la production puisse déboucher sur quelque chose. Pour le médicament, c'est pareil. Enfin, c'est d'autres. Il y a des phénomènes différents, mais il peut y avoir des choses possibles. Alors, juste pour peut-être réagir rapidement aux différentes interventions, sur les contrôles au niveau national, ça c'est vrai pour toutes les législations. Donc, c'est toujours au niveau national. Elles sont définies souvent au niveau européen, les directives, les règlements. Mais après, pour ce qui est de la mise en œuvre du contrôle. Ça, c'est effectivement la prérogative des États membres. C'est eux qui sont responsables de faire respecter les règles sur leur territoire national. Et malheureusement, c'est vrai que souvent, il y a des problèmes de ressources, de moyens. Il y a même, c'est pas seulement. Par exemple, là, ce que me disait les industries chimie, c'est que c'est beaucoup moins contrôlé en France qu'en Bulgarie. Alors qu'on est censé avoir plus de moyens en France. Beaucoup moins bien, parce que les DRAL, ils ont des moments de mission. Donc ça, c'est le même problème que pour les inspecteurs du travail. Si on n'a pas un staff suffisant, formé et autres, tout ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Effectivement, il faut, c'est une des conditions pour avoir des changements réels. Sur la question de la formation, qu'est-ce qui existe nous, au niveau syndical, on essaie dès qu'on peut ça fait des années qu'on organise chaque fois des formations. On essaie d'expliquer aux travailleurs les bénéfices du système REACH, ceux qui peuvent en retirer. Il y a des guides qui sont disponibles sur notre site web, etui.org. Je sais que les industriels eux-mêmes, les fédérations d'industrie et autres, font énormément de formations, tout simplement parce qu'ils ne peuvent, enfin les entreprises ne peuvent pas se permettre de ne pas être en conformité avec ces règles, parce qu'elles risquent, même si les inspecteurs sont peu nombreux et les chances d'être inspectés sont minimes, mais toujours est-il que, en tout cas, les très grandes entreprises ne peuvent pas se permettre de ne pas être en conformité. Et donc, du coup, elles font également beaucoup de formations, elles éditent beaucoup de guides pour essayer d'éviter des ennuis à leurs membres. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, y compris par l'agence d'Helsinki, qui est censée faire fonctionner tout le système. D'autant plus que maintenant, on approche de la dernière deadline d'enregistrement pour les petits volumes. On a commencé par les grands volumes en 2013. Maintenant, c'est des volumes au-dessus d'une tonne, entre une tonne et 100 tonnes. Et c'est là qu'il y a le plus de substances. Et probablement le plus de petites et moyennes entreprises qui vont être impactées. Et donc, il y a un effort conjoint d'essayer d'informer ces petites et moyennes entreprises de leurs obligations. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que finalement, c'est une législation relativement jeune, hein, 2007, ça fait à peine quelques années. D'autant plus que les chapitres se sont mis en route les uns derrière les autres. Donc on commence vraiment maintenant à avoir toutes les obligations vraiment effectives. Et donc c'est clair qu'il y a un challenge d'arriver à faire que toutes les entreprises en Europe qui utilisent des substances chimiques se conforment à ces règles. C'est un véritable challenge. Il faudra passer par là. Sur la disponibilité des données, c'est un des bénéfices de REACH, c'est que l'ECA a l'obligation de publier sur son site web toutes les données non confidentielles qu'elle récolte dans les dossiers d'enregistrement. Et donc c'est une mine d'or d'informations pour les médecins du travail, pour les hygiénistes, enfin pour tous ceux qui cherchent des infos, les universitaires, qui cherchent des infos sur les substances chimiques, leurs propriétés et autres. Sur le site web de l'ECA, il y a maintenant toutes les propriétés, la classification, les propriétés, tout ça est au même endroit. Et tout ça va encore être présenté de façon plus accessible. On peut avoir des informations sur les tonnages qui sont produits d'une substance en Europe. On peut savoir qui l'a produite. Ça a été une grosse bataille où on s'est beaucoup battu à l'ECA pour que cette information soit disponible sur le site de l'agence. Donc on sache qui étaient les personnes qui enregistraient les substances. Parce qu'à un moment, il était question de ne pas révéler cette information, mais on est parvenu à ce qu'elle soit publique. Les caractéristiques PBT des substances, donc si elles sont persistantes, bioqualitatives, toxiques, tout ça, ça doit être... Tout ce qui est lié aux propriétés intrinsèques ne peut pas être... garder confidentiel. Donc ça doit être accessible. Et donc, et maintenant, sur le site de l'ECA, on trouve des informations sur plus de 12 000, 13 000 substances actuellement. Donc ça, c'est un véritable progrès. Et puis, sur quoi j'ai oublié de réagir Oui, d'accord avec l'intervention également de. Oui, ça remarque. Moi, j'ai peut-être une question par rapport au rôle et au positionnement des organisations syndicales par rapport à justement toutes ces nouvelles législations qui, comme vous le dites, sont complexes, nécessitent un fort investissement. Vous, je vois bien au niveau de l'étui, vous êtes, vous arrivez à vous positionner, mais comment est-ce que vous percevez justement à travers les formations que vous faites ou les difficultés que peuvent avoir les organisations nationales ou... Donc nous, à l'Institut syndical européen, on travaille pour la Confédération européenne des syndicats qui est censée représenter tous les syndicats. Ouais. Et je ne vous cache pas que les discussions ont été très très chaudes à l'intérieur même des syndicats parce que il y a beaucoup de syndicats, notamment dans le secteur de la chimie, qui étaient un petit peu très influencés par le discours patronal qui disait « Ah, si on met en place REACH, on va perdre des emplois, on va délocaliser, c'est la fin de notre industrie et autres. » On a eu la chance d'avoir des responsables politiques du dossier, REACH et autres, notamment... quelqu'un de la CGT, Joël Decaillon, avec qui on a beaucoup travaillé, et qui a résisté à toutes ces pressions, qui a dit on ne peut pas céder à ce chantage emploi contre progrès sociaux, pour faire court. Et aujourd'hui, on remarque que il avait raison de résister, parce que l'industrie chimique européenne continue à faire des bénéfices, son chiffre d'affaires continue à croître. S'il y a eu quelques délocalisations, c'est certainement pas à cause de REACH, c'est pour plein d'autres raisons. Le coût du travail qui est moins cher en dehors d'Europe, le prix de l'énergie, l'accessibilité à l'énergie. Et donc, il y a très clairement, c'est toujours les mêmes arguments qui sont mis en avant par certains syndicalistes, mais vraiment influencés par ce qu'ils entendent dans leurs conseils d'entreprise et autres, et qui pensent devoir juste défendre leur emploi et autres, alors que les enjeux sont évidemment beaucoup plus larges. Et je crois que comme syndicaliste, il faut évidemment résister à ce chantage qui dans les faits, ne s'est jamais matérialisé. Tout récemment, il y a un très beau rapport sorti par les ONG qui s'appelle Cry Wolf, Crier au loup, et qui montre sous plein de législations environnementales les coûts qui avaient été prédits par les industriels au moment où ces législations environnementales étaient en discussion, et puis aujourd'hui qu'elles sont en place, qu'elles ont été adoptées, les coûts réels. Et on se rend compte évidemment que chaque fois, ces coûts avaient été largement exagérés, tout simplement à des fins d'influence des textes en cours de négociation. Mmh. Et donc, voilà, je crois que pour des organisations syndicales, c'est très important de comprendre tout ça. On a beaucoup d'exemples dans le passé où c'est toujours un peu les mêmes histoires qui se répètent. Et pour faire également le lien avec peut-être l'intervention précédente, en tout cas aujourd'hui, sur les substances chimiques, il y a des liens très forts entre les syndicats et les ONG environnementales. On travaille vraiment ensemble, où on échange énormément d'informations, où on a grosso modo la même vision des choses. Voilà, pour terminer sur une note un peu plus positive. Oui, parce qu'on a quand même 100 000 morts par an, ça c'est la situation actuelle. Essentiellement dû à des cancers professionnels. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Et ça, c'est beaucoup à Bruxelles. Vous avez des liens avec les ONG Oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Avec le Bureau européen de l'environnement, avec les autres ONG environnementales.